franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles et pendant deux jours, retour sur l'un des événements les plus tragiques de l'histoire de la Ve République, le putsch des généraux en Algérie, c'était en avril 1961. Raconter cet événement, c'est se replonger dans les humeurs et les questionnements de l'armée française prise par le vertige d'une époque qui s'éteint, celle de l'Empire colonial français. Quand éclate le putsch, voilà 7 ans que les combats font rage dans les départements d'Algérie. En 1958 déjà, c'est l'armée qui donne à la 4e République son coup fatal en participant activement aux journées du 13 mai et en appelant au retour du général de Gaulle. L'opération est un succès, la République cède. Et le 29 mai, le président Coty fait appel à l'homme du 18 juin. 6 jours plus tard, de Gaulle lance à la foule d'Alger « Je vous ai compris, comprenne qui pourra ». 3 ans après ce discours, les orientations du général ne sont déjà plus du goût des partisans de l'Algérie française. En septembre 59, le président de Gaulle avait annoncé son choix de l'autodétermination pour mettre fin au conflit en Algérie. En janvier 61, près de 75% des Français en métropole et en Algérie le soutiennent. Les négociations s'organisent, Évian est choisi pour accueillir les différentes délégations. La fin de la guerre approche. Mais dans la soirée du 21 avril 1961, certains généraux et militaires investissent en Algérie les lieux de pouvoir. Alors, pendant 4 jours et 5 nuits, on retient son souffle. À Paris comme à Alger, on s'interroge. Qui cédera? L'armée se dressera-t-elle contre le général? La France va-t-elle sombrer dans la guerre civile? Demain, au cours de la fiction du vendredi, c'est au cœur d'une section, par les mots des appelés d'un chef zélé, que nous revivrons les errements et les questionnements de l'armée. Aujourd'hui, c'est au cœur du pouvoir que nous allons suivre les événements. À Paris, auprès de Pierre Racine, le directeur de cabinet de Michel Debray, et à Alger, avec le directeur de l'information de la radio d'État, Jacques Coudefray-Jacques, mais surtout auprès de Jean Morin, délégué général en Algérie, dont vous entendrez les souvenirs lus, extraits de son ouvrage intitulé « De Gaulle et l'Algérie ». Pour nous accompagner pendant ces 2 jours, Benjamin Stora, l'un des grands historiens de la guerre d'Algérie, auteur de nombreux livres, dont le dernier s'intitule « Histoire dessinée de la guerre d'Algérie » paru au Seuil. Benjamin Stora est actuellement président du musée de l'histoire de l'immigration. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Emmanuel Fournier. Programmation musicale Muriel Pérez. Lecture Philippe Pirard. Réalisation Fabrice Lègle. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vendredi 21 avril 1961, quelques heures avant le putsch. Ce soir, en l'honneur du président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, le général de Gaulle a revêtu ses habits de gala. Au programme de la soirée, une représentation de Britannicus à la Comédie française. Le président français est seul. Son premier ministre, Michel Debray, grippé, est parti se coucher. Son ministre des Affaires étrangères, ainsi que celui de l'armée, eux, ont quitté la capitale vers 15h pour assister au transfert des cendres du maréchal Lyoté à Rabat, au Maroc. Alors que la nuit tombe sur la métropole, à Alger, des ombres, celles d'unités de parachutistes et de légionnaires, prennent position dans toute la ville. Les rumeurs qui couraient étaient donc vraies. Depuis la victoire du oui au référendum de janvier 61, à Alger comme à Paris, on s'inquiète des humeurs de l'armée, des partisans les plus farouches de l'Algérie française. Car tout au long de cette journée du vendredi 21 avril 1961, des renseignements concordants évoquent l'hypothèse d'un putsch. Alors, dans les bureaux de Jean Morin, délégué général, on lance la procédure classique. On réunit les responsables du maintien de l'ordre, on contacte les hauts fonctionnaires concernés par l'ordre public et on garde un œil sur les unités. Dans la soirée, alors qu'il dîne avec le ministre des Transports en visite en Algérie, Jean Morin est inquiet. Il appelle à plusieurs reprises le général Gambier, commandant en chef des forces armées en Algérie, qui lui confirme que tout est calme, Alger dort, selon lui. Mais vers minuit, la préfecture de police fait état de nombreux déplacements de camions dans l'Algérois. Le général Gambier part en ville pour vérifier. Et là, devant sa voiture, il voit une longue colonne de véhicules, tout phare allumé. Quelques minutes plus tard, il est neutralisé. À 1h50, le palais d'été où séjourne Jean Morin est encerclé par les parachutistes. Quelques minutes plus tard, les camions des paras investissent le parc. Un capitaine se présente au bureau de Jean Morin et l'informe que le général Challe vient de prendre le commandement en chef en Algérie. « Je suis chargé d'assurer la protection du délégué général », lui dit-il. Le délégué général est mis aux arrêts, enfermé dans ses appartements. Dans ma chambre, une ligne téléphonique a échappé à la vigilance de mes gardiens. Surtout, les parachutistes ont négligé de rechercher le moyen de couper les communications du palais d'été. Je vais conserver de 3h moins le quart à 5h30 du matin l'usage de mon téléphone. J'en profite pour appeler le Premier ministre, auprès de qui se tient Louis Jox, puis le secrétariat général de la République, où j'obtiens Geoffroy de Courcelles, secrétaire général de l'Élysée. Embastillé, le délégué général poursuit donc l'exercice de l'État. Il joint les ministres, le secrétaire général de l'Élysée et les hommes en qui il a totalement confiance. Très vite à Paris, le pouvoir se met en état d'alerte maximum. Michel Debré convoque son directeur de cabinet, Pierre Racine, ainsi que les principaux ministres et responsables du maintien de l'ordre, dont le préfet de police Maurice Papon. À 3h45, le secrétaire général de l'Élysée rencontre le Premier ministre. À 4h, le général de Gaulle est réveillé. À 5h, les premières dispositions sont prises. Arrestation des activistes parisiens connus, arrêt des vols et des transports, interruption de toutes les communications téléphoniques vers l'Algérie. Les objectifs sont clairs, protéger Paris, éviter tout vol vers la métropole et tenter de circonscrire le putsch à Alger. Le général de Gaulle demande à Louis Jox, ministre d'État chargé des affaires algériennes, de remplir une mission à haut risque. Partir en Algérie pour s'assurer de la loyauté des généraux. Dans cette tâche, il sera épaulé par le général Ollier. Alors qu'ils prennent la route vers l'aéroport, à Matignon, on consulte les cartes pour imaginer l'itinéraire possible de cette folle échappée. À 6h20, le gouvernement annonce à la presse le coup de force à Alger. Le ministre de l'Information publie un communiqué qui annonce « L'indiscipline de certains chefs a abouti ce matin à Alger à placer les pouvoirs civils et militaires dans l'impossibilité d'exercer leur commandement. » À Alger, tous les points stratégiques sont aux mains des putschistes, oui. En plus des lieux administratifs et militaires, l'armée a investi les locaux de Radio Alger, rebaptisés Radio France. Mais oui. Et peu après 8 heures, ce samedi 22 avril, en Algérie, on entend ces mots. Radio France, à Alger. Le général Charles vous parle. Je suis à Alger, avec les généraux Zeller et Jouot, et en liaison avec le général Chaland, pour tenir notre serment. Le serment de l'armée de garder l'Algérie, pour que nos morts ne soient pas morts pour rien. Un gouvernement d'abandon a prôné successivement l'Algérie française, l'Algérie dans la France, l'Algérie algérienne, l'Algérie indépendante associée à la France. Il s'apprête aujourd'hui à livrer définitivement l'Algérie à l'organisation extérieure de la rébellion. Est-ce cela la paix annoncée ? À l'intérieur, dans ses appartements, Jean Morin n'a désormais que la radio pour suivre les événements. Après Challe, il entend les noms de Jouot, Zeller et Salan. À eux quatre, ils ne cumulent pas moins de 20 étoiles sur leur uniforme. Salan et Challe ont été à la tête du commandement en Algérie, Zeller a été chef de l'état-major et Jouot, le seul pied noir de la bande, a été à la tête de l'armée de l'air. En mai 1958, ils étaient du côté des militaires qui demandaient le retour du général de Gaulle aux affaires. 3 ans plus tard, c'est face à lui et à ses choix qu'il s'élève. La dernière déclaration du général sur les événements en Algérie date du 11 avril 1961. En conférence de presse, il avait dit « L'Algérie nous coûte plus cher qu'elle ne nous rapporte ». Onze jours plus tard, les putschistes investissent Alger. Dans les rues, les paras sont partout. L'état de siège est instauré. Sur les ondes de radio Alger, entre deux chansons militaires, les speakers exaltent la population à soutenir les putschistes. Face à cette propagande radiophonique, un homme va jouer un rôle tout particulier, Jacques Coudefréjac. Dès la prise en main par les militaires de la radio d'État et Radio Alger, son directeur de l'information prend les devants, quitte son appartement et part se réfugier chez un ami. Pour éviter d'être recherché, Coudefréjac a l'incroyable idée de diffuser aux agences de presse une nouvelle étonnante, son arrestation. Tapis dans l'ombre, non recherché, l'ancien membre des FFI organise la riposte et le sabotage des ondes putschistes. Pour cela, il entre notamment en contact avec les officiers de l'état-major de la marine et met en place le brouillage des émissions activistes. À Paris également, on fait appel à la radio pour rassurer les Français et les tenir au courant de l'évolution de la situation. À 13h, Michel Debray prend la parole sur les ondes de l'ORTF et annonce... Le ministre d'État, chargé des affaires algériennes, est parti pour l'Algérie, avec les pleins pouvoirs du gouvernement. Il est accompagné du général Ollier, nommé commandant en chef des forces en Algérie. En l'absence des autorités locales, c'est à eux qu'officiers et fonctionnaires doivent obéir. J'adjure tous ceux qui ont une responsabilité de ne pas s'engager dans une aventure qui ne peut avoir pour la nation que de tragiques lendemains. En fin de matinée, la caravelle de Louis Jox et du général Ollier atterrit dans l'ouest algérien, en Oranie. Leur mission est claire, là aussi, réaffirmer la légitimité de l'État et obtenir la loyauté des chefs des différentes zones de l'Algérie. D'abord, les deux émissaires se rendent sur la base de Mers el-Kébir, où ils rencontrent le général de Pouilly, qui réaffirme sa loyauté à De Gaulle. Puis les deux hommes volent vers le sud-est d'Alger, direction Constantine, où la situation est critique. Là-bas, ils rencontrent le général Gouraud. L'homme semble hésitant, distant. Lors du dîner, il n'arrête pas de téléphoner. Il répond en fait aux forces putschistes qui lui demandent d'arrêter ces deux représentants envoyés par le gouvernement, ce que Gouraud refuse. Quelques heures plus tard, Jox et Ollier échappent de peu aux parachutistes et partent un peu plus loin vers l'est à Beaune, où ils bénéficient du soutien du général Eyret. À Paris également, les événements s'enchaînent. Michel Debray charge le préfet de police et le ministre de l'Intérieur d'arrêter toute personne susceptible d'être en relation avec les hommes du coup de force d'Alger. L'immeuble de la RTF, tout comme la centrale téléphonique, sont mis sous surveillance et on interdit l'entrée sur l'île de la Cité de tout militaire ou gendarme mobile. En fin de matinée, la police avance deux réunions, l'une au domicile d'un capitaine et l'autre chez un commandant. 11 personnes sont arrêtées, dont le général Faure. Grâce à ce coup de filet, les autorités découvrent le plan de la prise de Paris intitulé Arnat pour armée nation. Des escadrons de gendarmes sont envoyés sur les lieux, les deux lieux où les militaires, en accord avec les putschistes, devaient se retrouver, autrement dit, dans la forêt de Rambouillet et dans celle d'Orléans. À 17h, un conseil de ministres extraordinaire débute. L'état d'urgence est proclamé. Désormais, les autorités peuvent interdire les réunions, assigner à résidence, autoriser les perquisitions et les arrestations nocturnes. De Gaulle semble serein et même un brin moqueur. Ce qui est grave dans cette affaire, messieurs, c'est qu'elle n'est pas sérieuse, aurait-il dit. Pourtant, face à lui, l'inquiétude, elle, est sérieuse. Dans la journée, deux charges plastiques, en effet, ont explosé, l'une à la mairie de Neuilly, l'autre à Courbevoie. Le monde entier a les yeux rivés vers Paris et Alger. De Gaulle va-t-il être renversé? Après les messages des pays alliés, le chef de l'État reçoit un soutien de circonstance, celui de Ferhat Abbas, président du gouvernement provisoire de la République algérienne, qui s'exprime à Tunis. Algériens, Algériennes, face aux graves événements qui se déroulent dans notre capitale, je vous demande, au nom du gouvernement provisoire de la République algérienne, de rester plus que jamais unis et plus que jamais vigilants. Dans les villes et dans les campagnes, votre devoir est de faire échec aux entreprises auxquelles prétendent vous mêler les généraux tertionnaires. Par votre cohésion et votre détermination, notre peuple sortira victorieux de cette nouvelle épreuve. Quand la nuit tombe sur cette première journée, des deux côtés de la Méditerranée, c'est l'incertitude qui domine. À Alger, Jean Morin, lui, n'a comme seule fenêtre vers l'extérieur que la radio tenue par les putschistes. Malgré le brouillage des ondes, il entend les annonces des speakers, et notamment les noms des différents escadrons qui se seraient ralliés au putsch. Est-ce vrai? Qui restera fidèle au président? Quelle sera la réaction du contingent? À la fin de cette première journée, les putschistes pensent toujours dominer la situation. Le général Salan, le quatrième homme du putsch, est en route vers Alger. Pendant ce temps, à Matignon, Pierre Racine, le directeur de cabinet du Premier ministre, dort sur place. Vers 3h du matin, le téléphone sonne. Au bout du fil, le patron de François, Pierre Lazareff. Selon ces informations, des avions non identifiés seraient en train de faire route vers le sud de la France. Après vérification, l'info était fausse. Mais toute la nuit, les rumeurs les plus folles ont circulé, forcément. Malgré les arrestations de la veille, à Matignon, on s'interroge sur les desseins des putschistes. Afin d'éviter toute tentative d'opération visant Paris, Michel Debray donne l'ordre à l'état-major de l'armée de l'air d'envoyer un télégramme à Challes, où il prévient qu'en cas de vol non autorisé vers la métropole, tout avion ne répondant pas aux sommations sera abattu. Dans le même temps, aidé par le préfet de police Maurice Papon, le gouvernement met sur pied la défense de la capitale. Toutes les unités de maintien de l'ordre disponibles sont concentrées avec leurs chars et leurs armes lourdes autour de l'Élysée, du palais Bourbon et des ministères. Au palais présidentiel, un commando de marine de 50 hommes s'installe à l'intérieur. Jacques Foccart, secrétaire général des Affaires africaines, va jusqu'à mettre en place un plan de fuite vers Dakar. Oui, vers Dakar, pour le président, au cas où. Mais en ce dimanche 23 avril, au second jour du putsch, une question taraude les Français. Que pense Charles de Gaulle? Dès le premier jour, il consulte ses proches et saisit le président du Conseil constitutionnel pour la mise en place de l'article 16 qui lui octroie les pleins pouvoirs. Le dimanche, à 9h30, l'avis est favorable. En Algérie, la situation se complexifie. Salan est désormais sur place et on annonce le ralliement du général Gouraud, l'homme du Constantinois où se trouve le plus gros des troupes. De retour de son voyage express en Algérie, Louis Jox conseille au général de Gaulle d'intervenir à la télé. Celui-ci hésite, puis lance à son secrétaire général « Allez, faites venir la télé ». Dans le même temps, le ministre de l'Information demande aux radios périphériques de diffuser également le discours afin qu'il soit entendu dans toute l'Algérie. À 20h, de Dunkerque à Tamanrasset, tous, on leur est collé au transistor. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un pronunciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite, il a une réalité. Un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. Voici que l'État est bafoué, la nation bravée, et par qui? Hélas, hélas, hélas, par des hommes dont c'était le devoir, l'honneur, la raison d'être, de servir et d'obéir. Françaises, Français, voyez où risque d'aller la France par rapport à ce qu'elle était en train de redevenir. Françaises, Français, aidez-moi! À Alger, Jean Morin, désormais enfermé dans le grand salon de réception du rez-de-chaussée, entend également l'intervention du général, tant bien que mal. Le son laisse à désirer, mais le message est net, puissant, et il crée instantanément une onde de choc, comme il le raconte dans ses mémoires. À travers les fenêtres, trois légionnaires, l'oreille collée à leur transistor, en train d'écouter le général de Gaulle. Un quatrième se joint à eux, hoche la tête, et une fois le discours terminé, déclare « Eh bien, les généraux, ils nous ont foutus dans le merdier. » Quelques heures plus tard, Challes décide de transférer les prisonniers d'Alger, dont le délégué général Jean Morin et le commandant en chef des forces armées en Algérie, en plein milieu du Sahara, à Ain Salah. À Paris, malgré le discours du général, la menace d'un assaut des putschistes sur la capitale est toujours présente. Notamment à cause des messages codés sur les ondes de la radio aux mains des putschistes, dont celui-ci. Écoutez bien, les cousins de province arriveront demain matin à 5h en tenue légère. Alors, vont-ils débarquer ce soir? C'est ce que pense le directeur de la police nationale. Quelques minutes après son discours, le général reçoit Jacques Chaban-Delmas. Le président de l'Assemblée nationale propose que le Premier ministre lance un appel à la population pour que les Français se tiennent prêts. De Gaulle réfléchit, puis accepte. À 23h40, soit moins de 4 heures après l'intervention du chef de l'État, Michel Debray prend la parole en direct des studios de Cognac G. Que les auteurs du coup d'État d'Alger envisagent, à très brève échéance, une action de surprise et de force sur la métropole et en particulier sur la région parisienne. Les vols et les atterrissages sont interdits sur tous les aérodromes de la région parisienne à partir de minuit. Dès que les sirènes retentiront, allez-y, à pied ou en voiture, convaincre des soldats trompés de leur lourde erreur. Il faut que le bon sens vienne de l'âme populaire et que chacun se sente une part de la nation. Paris peut-elle tomber entre les mains des putschistes demain? Cette nuit-là, et pour la première fois, télévision et radio poursuivent leur programme toute la nuit. You had plenty money 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right? Like some other men do. Get out of here. Get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right? Like some other men do. Get on out of here. Get me some money too. Ago, you wouldn't be a wandering now from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get on out of here, get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Après l'appel du Premier ministre, Paris est sorti de son lit. À pied ou en voiture, de nombreux Parisiens prennent la route vers le quartier des ministères où ils tombent sur de nombreux hommes en armes et des gardes à CRS. Devant la Chambre des députés, on peut voir le canon des chars Sherman stationné. Place Beauvau, c'est l'effervescence. Derrière les grilles du ministère de l'Intérieur, des centaines d'hommes sont prêts à prendre les armes. Et tout le monde est mobilisé. Militants de l'Action ouvrière UNR de la Seine, gaullistes de la première heure, syndicalistes, militants du PSU, membres du club Jean Moulin. Face à l'afflux et pour éviter la pagaille, on dirige les volontaires au Grand Palais où on organise la défense de la ville et la mobilisation. Dans les usines également, l'heure est à la mobilisation. À Boulogne-Billancourt, chez Renault, cathédrale ouvrière de la région, le président de la firme convoque les représentants syndicaux. Ensemble, ils actent l'occupation de l'usine et la mise en place de milices ouvrières. À 6h, à l'entrée, on distribue un tract commun qui appelle à la grève et à l'occupation de l'usine. Le jour se lève, la tour Eiffel, éteinte toute la nuit, réapparaît. Paris n'est pas tombé, mais reste mobilisé. Dans la rue, au micro des journalistes, les Parisiens semblent avoir choisi leur camp. Qu'est-ce que vous pensez des événements? Les événements, eh ben, je pense que les militaires s'occupent de choses qu'ils ne devraient pas s'occuper, qu'ils doivent rester militaires, ne pas s'occuper de politique. C'est inadmissible que des gars qui sont en train de payer par nous autres trouvent le moyen de contrebattre la France. Monsieur, vous êtes étudiant, je pense? Oui, je suis étudiant en lettres. Vous êtes au courant, j'imagine, des mesures prises depuis hier soir par le gouvernement? Les approuvez-vous ? Je les approuve tout à fait. Je pense que les étudiants doivent tous se réunir autour du général de Gaulle. J'espère que cette fois, le général de Gaulle aura compris et qu'il doit s'appuyer en même temps sur la masse des travailleurs, parce que sans eux, il ne pourra pas arriver à juguler la rébellion en Algérie. En Algérie, les putschistes ont fait le plein. On peut estimer leur force à 25 000 soldats sur les 400 000 que compte le territoire algérien. Mais les défections, comme les manifestations de soutien à De Gaulle, se multiplient. Alors, pour relancer le mouvement, c'est encore par la radio que les mutins demandent de l'aide. Ce lundi 24 avril, sur les ondes de Radio Alger, les speakers invitent toute la population à venir dès 18h30, place du Forum, à côté du bâtiment du gouvernement général, lieu historique des partisans de l'Algérie française. Là, sur le balcon, les quatre putschistes apparaissent devant des dizaines de milliers d'Algérois. Il y a 3 ans, ici même, Salan fit applaudir le général de Gaulle. Désormais, il demande son départ. Algérienne, Algérien. Nous nous retrouvons ici, sur cette place, où, ensemble, nous avions fait le serment de garder l'Algérie à la France. Tous les quatre, malgré toutes les embûches qu'on a mises sous nos pas, nous avons réussi à venir auprès de vous. Et auprès de vous, nous resterons jusqu'au bout. Jusqu'à la victoire que nous vous avions promise ici, et cette fois-ci, nous la réaliserons. Vive l'Algérie française, vive la France! Le lendemain à Paris, ce sont d'autres applaudissements qu'on entend. Au Palais Bourbon, le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas, ainsi que le Premier ministre, Michel Debré, prennent la parole devant les députés et demandent le soutien au président. Ils demandent que les députés votent l'article 16 de la Constitution. La République tient bon. Alger s'interroge. Dans les coulisses des putschistes, deux positions se font face entre ceux qui veulent continuer et ceux qui veulent arrêter les frais. Charles pense que l'opération est déjà perdue. Désormais pour lui, il faut éviter la casse. Au cours de l'après-midi, il expose à ses partenaires d'infortune son choix de se rendre. Salan et Jouot tombent des nues. Eux refusent. Certains proposent même qu'on livre des armes à la population et qu'on fasse appel à la mobilisation des Européens. Au bout du compte, à 20h, les quatre généraux jouent une dernière carte pour obtenir le soutien du contingent. Ils annoncent la démobilisation de tous les soldats ayant fait plus de 18 mois de service et la mobilisation de 8 classes d'Algériens. Malgré l'annonce, la rumeur de l'abandon des putschistes s'épaissit. Sur l'antenne de Radio Alger, un inconnu prend la parole comme un dernier sursaut. Partez de Gaulle avant d'avoir causé d'autres mal. Partez. Pour que l'histoire ne soit pas dans l'obligation de vous condamner à jamais. Entendez-moi, de Gaulle. Vous m'avez oublié sans doute, car je n'étais qu'un petit, un humble, qui ne demande rien, ne réclame rien. Mais c'est à votre appel que pendant 4 ans, j'ai combattu comme locuteur dans la lutte clandestine. J'ai vu ma tête mise à prix par la Gestapo. J'ai vécu tous les risques et tous les dangers de la résistance. J'ai donné mon sang. Je vous ai gardé longtemps ma confiance. Vous avez trahi tous nos espoirs. Nous voulions une autre France, la vraie. Partez de Gaulle, partez. À une salle où est détenu Jean Morin, on assiste à distance à ce qui apparaît bien maintenant comme la fin du coup d'état militaire. À 23h, nous vivons en direct la fin de l'aventure. Une voix jeune, haletante, nous apprendrons par la suite que c'est celle d'un para, profère une ultime exhortation. Allô, population d'Alger, rendez-vous immédiatement tous sur le forum. Population d'Alger, rendez-vous tous sur le forum. Population d'Alger, rendez-vous tous sur le forum. Rendez-vous tous sur le forum. Un peu de musique. Puis, une autre voix, plus posée, plus froide, annonce. Ici France 5. Ici France 5. Nous demandons à toute la population de garder son calme. Nous demandons à toute la population de garder son calme. Les hommes du directeur de l'information, Jacques Fréjac, ont repris possession des locaux de la radio. Comme un barreau d'honneur, les putschistes se présentent une dernière fois à la foule au balcon du gouvernement général. Après une dernière intervention sans micro, les quatre hommes se quittent. Zeller est le premier à partir, seul dans la foule. Schall, Joux et Salan prennent la route ensemble vers le PC du 1er régiment de parachutistes. À Matignon, l'annonce du départ des putschistes arrive durant la nuit. Sur son agenda, Pierre Racine note simplement « Mercredi 26 avril, 2h du matin, fin ». À Insala, Jean Morin, lui, n'est plus prisonnier. À 6h30, il quitte le Sahara pour rejoindre Alger. Le Nord Atlas, trop chargé, peine à décoller. L'appareil s'arrache pesamment à la piste. La bonne humeur, qui n'a pas quitté la plupart d'entre nous, est à son comble. Et l'on entend une voix, presque nostalgique, s'écrier, l'avion à peine en vol, « Fini les vacances !» Au même moment, le général Schall s'envole pour Paris. Jouot et Salan, eux, ont préféré la clandestinité. Le putsch est donc terminé. Il aura duré 4 jours et 5 nuits. Moins d'un an plus tard, les accords d'Évian seront signés. L'Algérie algérienne devient alors une réalité. Le temps des colonies, un souvenir pour certains, un passé pour la France. Shoot you right down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor when you're talking to me. That baby talk, I like it like that. When you talk like that, you knock me dead at all my feet. How, how, how, how. Talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How, how, how, how. Yeah, yeah. My baby. My baby. Come on, baby. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le putsch d'Alger, notre invité, l'historien Benjamin Stora. Bonjour. Bonjour. Alors, des spécialistes de l'histoire du Maghreb et de la guerre d'Algérie, sujet que vous abordez dans de nombreux ouvrages. Je vais juste citer les deux derniers, La guerre d'Algérie vue par les Algériens en deux tomes, qui vient de ressortir en poche d'ailleurs, et une BD que signé avec Sébastien Vassan, Histoire dessinée de la guerre d'Algérie. C'est un beau livre d'ailleurs. Alors, on remarque que de plus en plus, l'histoire est traitée en BD. C'est un bon vecteur, c'est un bon support. C'est une nouvelle tendance, effectivement. L'image qui envahit tout maintenant, y compris les récits d'histoire. Aujourd'hui, vous êtes également à la tête du musée de l'histoire de l'immigration. Donc merci d'être avec nous pour ces deux émissions. Aujourd'hui, et puis vous reviendrez demain. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu, hein, nous avons fait le choix de raconter le putsch du côté des hommes de pouvoir. Et demain, grâce à une fiction, nous vivrons l'événement d'Algérie au cœur d'une section du contingent. Voilà, alors avant de revenir sur ces jours d'avril 61, il y a eu les conditions du retour du général de Gaulle au pouvoir en 58. Et c'est une date importante, évidemment, pour tout le monde, et notamment pour ceux qui deviendront les putschistes. Mais en 58, formidable pour eux, de Gaulle revient au pouvoir, l'Algérie est française, pour eux ça va bien. Oui, effectivement, puisque de Gaulle est l'un des leurs, c'est un militaire. C'est un militaire, donc pour le général Salan en particulier, qui a œuvré pour son retour, il va de soi que le général de Gaulle va partager leur point de vue. Mais ils sont quand même, ces militaires qu'on connaîtra putschistes quelques années plus tard, bien conscients quand même qu'il y a des imperfections dans cette histoire de l'Algérie française. Les choses ne sont pas simples. Ils savent en particulier qu'il y a beaucoup d'inégalités politiques. Ils savent que le bled, comme on dit, c'est-à-dire les campagnes, sont sous-administrées. Ils savent, bien entendu, qu'il faut rétablir, disons, un équilibre social, qu'il faut combattre l'analphabétisme. Bref, ceux qu'on appellera plus tard les centurions, en fait, sont bien conscients qu'il faut apporter de profondes modifications dans l'histoire de l'Algérie. Et leur préoccupation, bien sûr, si elle est de maintenir l'Algérie française, c'est quand même de la réformer profondément. Mmh. Et donc, et y compris, pourquoi pas, pour certains d'entre eux, la chose est peu connu, de négocier aussi avec des Algériens de l'intérieur. D'ailleurs, ça veut dire qu'ils ont une vraie vision politique, parce qu'ils ont compris qu'une Algérie restera d'autant plus française qu'il y aura moins de disparités sociales, c'est ça en fait, notamment. Oui, il y a chez eux, enfin pas tous, mais chez en particulier des hommes comme notamment le général Chal en particulier, et même Salan, il y a cette préoccupation quand même politique et sociale que des transformations très profondes doivent s'accomplir en Algérie pour que l'Algérie puisse rester dans le giron français. Ce qui fait que lorsque le général de Gaulle, si je dis cela, c'est parce que lorsque le général de Gaulle s'avance en 58, après son arrivée au pouvoir, pour donner l'égalité politique à tous les Algériens, et lorsqu'en septembre 1958, il offre la possibilité, y compris aux femmes musulmanes, de voter en Algérie, donc l'abrogation de ce qu'on appelait les deux collèges, et donc un seul collège, eh bien, pour eux, c'est la réalisation quelque part de leurs souhaits. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là en opposition avec le général de Gaulle. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il faut apporter des modifications et que ces modifications sur le plan juridique vont couper l'herbe sous le pied des radicaux qui, dans leur esprit, se trouvent à l'extérieur de l'Algérie. Et d'ailleurs, si vous entendez bien le message que vous avez diffusé à l'instant, par exemple, du général Chal, où il dit, contre de Gaulle en 61, en fait, il veut livrer l'Algérie à ceux qui sont à l'extérieur du pays. Il pense bien sûr au GPRA. Je dis cela quel parce organe que politique, qui est le gouvernement provisoire de la République algérienne, le bras armé du FLN, bien sûr, qui a été proclamé en septembre 58 et dont le président est Ferhat Abbas. Mais en fait, pour ces généraux en particulier, il y a la possibilité peut-être d'une négociation politique avec ceux qui composent les maquis de l'intérieur contre le GPRA. Et il y a chez eux, par conséquent, et on le verra dans une affaire très célèbre, qui s'appelle l'affaire Sisalah. Parce que c'est cette affaire Sisalah qui sera à l'origine du putsch. Qui dit quoi ? Cette affaire Sisalah, Sisalah était un combattant, un responsable politique de l'intérieur des maquis algériens, qui à un moment donné, notamment après le plan Chal, puisque le plan Chal en 59 a été absolument terrifiant, hein, c'est un plan qui a fonctionné comme une sorte de rouleau compresseur sur l'ensemble du territoire algérien, avec utilisation du napalm, déplacement massif des populations, des dizaines de milliers de personnes ont été abattus dans ce qu'on appelait les zones interdites. Enfin bref, ça a été absolument terrifiant. La guerre sous le général de Gaulle avec le Planchel a été absolument terrible. Et donc il y a le sentiment de la victoire militaire. Il y a le sentiment de la victoire militaire avec le Planchal. Et effectivement, les maquis de l'intérieur sont asphyxiés. Et un des responsables militaires de l'intérieur, Sisalah, veut prendre contact avec la France pour pouvoir envisager, disons, une négociation politique. Et les militaires français, en particulier ceux que l'on retrouvera un an plus tard au moment du putsch, sont tout à fait partisans de cette solution politique, à tel point qu'ils vont emmener Sisalah à l'Élysée. Sisalah ira à l'Élysée, négocier directement avec le général de Gaulle. Et ce qui va provoquer, disons, leur colère, ça aussi, c'est des choses qui sont peu connues, c'est le fait qu'à un moment donné, le général de Gaulle abandonne la carte Sisalah. C'est-à-dire qu'il pense que les négociations avec les maquis de l'intérieur sont vains, puisque la France, si elle a effectivement remporté de grandes victoires sur le plan militaire, eh bien sur le plan politique, elle est plus que jamais isolée au plan international. Et le général de Gaulle, qui est un véritable stratège politique, ne veut pas se contenter simplement d'une vision exclusivement militaire. Il a une vision stratégique beaucoup plus large. Alors, on arrivera à l'autodétermination. Je voudrais quand même vous poser aussi une question de révision d'histoire. Quand le général de Gaulle, le 4 juin, prononce son fameux discours du balcon du gouvernement général, il dit « Je vous ai compris ». C'est qui, vous ? Ben, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est-à-dire que c'est à la fois, bien sûr, les Européens d'Algérie, ceux que l'on appellera plus tard les Pieds Noirs, c'est aussi les gens de l'armée, enfin les cadres de l'armée, bien sûr, qu'il comprend, mais c'est aussi les Algériens. Mais ce sont aussi les Algériens qui sont épuisés par 4 années de guerre et qui cherchent une solution politique. Et donc à ces 3 grands groupes concernés directement par le drame algérien, il leur dit à tous les 3, je vous ai compris, tous. C'est-à-dire que nous allons pouvoir discuter de tout et tout mettre sur la table. C'est ce qu'il fera d'ailleurs. C'est ce qu'il fera d'ailleurs dès octobre 1958 avec la paix des braves. C'est-à-dire qu'il va offrir la possibilité d'un débat politique ouvert avec les représentants de ce qu'on appelait à l'époque, entre guillemets, la rébellion algérienne. C'est-à-dire qu'il ne s'interdit pas de discuter avec eux. Il le dit très clairement, en fait. C'est-à-dire, je vous ai compris, je discute avec tout le monde. Je discute avec les Européens, bien sûr, l'armée française engagée sur le terrain, mais aussi les nationalistes algériens. Et alors, 11 mois plus tard, là nous sommes le 16 septembre 1959, à la télé, le désormais président de la Ve République annonce sa porte de sortie pour le conflit en Algérie. Sa réflexion politique débouche sur ceci. Ou bien la sécession, où certains croient trouver l'indépendance. Dans cette triste hypothèse, il va de soi que ceux des Algériens de toute origine qui voudraient rester français le resteraient, que la France réaliserait, si c'était nécessaire, leur regroupement et leur établissement, et que toute disposition serait prise pour que l'exploitation, l'acheminement, l'embarquement du pétrole saharien, qui sont l'œuvre de la France et qui intéressent tout l'Occident, soient assurés quoi qu'il arrive. Ou bien la francisation complète, les Algériens pouvant accéder à toutes les fonctions politiques, administratives, judiciaires, entrer dans tous les services publics, bénéficiant de toutes les dispositions prévues pour la métropole. Ou bien le gouvernement des Algériens par les Algériens, appuyé sur l'aide de la France et en union étroite avec elle pour l'économie, l'enseignement, la défense, les relations extérieures. Si nous avons passé un extrait de ce discours, c'est qu'il est très important dans ce conflit algérien. Il est très important parce qu'il est le véritable tournant de la guerre d'Algérie, parce que de Gaulle propose en fait 3 solutions. La première, c'est de garder le statu quo, c'est-à-dire l'Algérie française, l'intégration. Il n'y croit pas dans ce discours de 1959. Il n'y croyait déjà pas lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1958. Il ne croit pas non plus à la promesse de l'indépendance, c'est-à-dire de la rupture de tout lien entre l'Algérie et la France. Et il le dit dans ce discours. Il n'est pas encore un partisan de l'indépendance algérienne, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il est en fait partisan d'une solution très simple, qui est une solution de type fédéral. C'est-à-dire, par l'égalité politique, dégager une élite politique, notamment algérienne, musulmane, et puis, par conséquent, dans une sorte de mise en place de Commonwealth à la française, eh bien, ce gouvernement des Algériens par les Algériens, comme il le dit, restera lié à la France. Voilà, c'est sa position politique, c'est-à-dire non pas une rupture radicale, non pas une intégration sur le modèle de l'Algérie française d'avant, mais une solution originale. On le sait, cette solution de l'association, en fait, ne va pas tenir. Elle ne va pas tenir parce que très vite, les radicaux ultra de l'Algérie française, eux, veulent le maintien du statu quo. Et puis très vite aussi, du côté algérien, on ne perçoit pas la main tendue et la guerre va pouvoir continuer. Et l'armée, effectivement, reste fidèle, donc pour l'instant. Alors, après le résultat du référendum pour l'autodétermination, mais ça, je vais un peu vite, on va d'abord s'arrêter sur le concept d'autodétermination. Pourquoi ce choix? De quoi est-il constitué? Eh bien, ce choix est tout à fait décisif parce que ça veut dire que les Algériens peuvent prendre en main leur propre destin. Ce qui signifie que l'Algérie française, quelque part, n'existe plus, oui. L'autodétermination. C'est-à-dire que jusqu'à présent, eh bien, l'Algérie française, c'était trois départements intégrés complètement à la France, on le sait, depuis très longtemps. Or, la possibilité, le choix de l'autodétermination sur l'avenir induit de manière quasiment automatique que l'Algérie n'est pas à la France. Que c'est quelque chose de séparé, quelque chose de, disons, de différent de la France. Et c'est cela, précisément, que les partisans de l'Algérie française ne veulent absolument pas entendre parler. Parce qu'ils ont parfaitement compris, eux, que si on s'oriente sur une situation d'autodétermination, alors la boîte de Pandore s'ouvre et la possibilité de la séparation va pouvoir commencer à s'opérer. Bien sûr. Le général de Gaulle tient, ça fait partie de ses grands desseins, à ce que la position de la France dans le concert international soit forte. Il le dit à un moment, il dit, vous vous rendez compte, ce que la France était en train de redevenir, vous allez le gâcher. Donc c'est vraiment son dogme, sa pensée. Et il le sait, le général de Gaulle, que si il garde l'Algérie dans le giron français par la force, la France ne sera plus audible dans le monde. Ça compte, ça? Ah, je pense que c'est l'aspect le plus stratégique, le plus important dans la pensée du général de Gaulle, c'est la place de la France dans le monde, c'est-à-dire la défense de ses intérêts. Or, il faut le savoir, c'est que depuis 1955, la France est régulièrement condamnée à l'ONU. La France est isolée de ses grands alliés, notamment des États-Unis, qui ont engagé aussi des liens avec les Algériens, les nationalistes algériens. Bien sûr, isolés par rapport à ce qu'on appelait à l'époque, entre guillemets, le camp socialiste, qui appuie le FLN, qui appuie le GPRA. Donc, par conséquent, la France n'a plus d'alliés sur le plan stratégique international. Elle mène cette guerre seule. Et il y a un souvenir dans la pensée du général de Gaulle sur cette absence d'alliés. Ce souvenir aussi existe. Vous verrez pourquoi dans la tête des officiers qui vont faire le putsch, c'est l'Indochine. Parce que dans la guerre d'Indochine, avec la défaite de Dien Bien Phu, la France n'avait pas d'alliés. Et les militaires se sont retrouvés seuls dans ce camp retranché de Dien Bien Phu. Vous connaissez l'issue, bien sûr, tragique de cette bataille. Le général de Gaulle ne veut plus, précisément, que la France se retrouve en position d'isolement. Alors que de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des officiers que l'on verra comme étant des putschistes, il y a aussi ce souvenir de l'Indochine, c'est-à-dire de ne pas céder, c'est-à-dire de rester fidèle à un serment prononcé, et notamment par rapport à ceux qui se sont engagés dans les rangs de l'armée française, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom générique de Harkim, ce qui ne veut pas dire grand-chose à l'époque, mais qui veut dire surtout les supplétifs musulmans de l'armée française, oui, engagés aux côtés de l'armée. Il y a ce serment qui est prononcé et qui renvoie au souvenir indochinois. Et donc, d'un côté comme deux autres, le souvenir indochinois est très présent quand même. De Gaulle sent qu'il faut sortir de ce guépier pour construire une France différente dans le monde, notamment par la construction européenne et le couple franco-allemand. Et ça, c'est la grande préoccupation du général de Gaulle, c'est sortir, disons, du temps colonial et arriver dans la modernité par la construction de l'Europe. Alors, il y a un autre élément, bien sûr, qui peut-être fait tout basculer, puisqu'il est tout proche du putsch, c'est janvier 61, donc le référendum. 74% des Français se prononcent pour l'autodétermination. Là, ça tourne. Au niveau de l'armée. Le putsch, il commence là peut-être. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il existait déjà quand même avant, au moment de la semaine des barricades, en janvier 60, il y a quand même après le discours de septembre 59, il y a quand même beaucoup d'agitation, d'effervescence politique dans les milieux de l'armée, bien entendu. Janvier 61, soit plus de 70% des Français qui se prononcent pour la politique algérienne du général de Gaulle, ça signifie quoi? Bah, ça signifie qu'il y a une très grande lassitude de l'opinion publique française sur cette guerre, quoi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes du contingent qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a près de 450 000 hommes en 1961, ne l'oublions pas, qui sont sur le territoire algérien, qui sont stationnés sur le territoire. C'est considérable. Pratiquement toutes les familles françaises sont touchées. Tout le monde a un fiancé, un père, un oncle, etc., qui se trouve en Algérie. Et il y a cette peur et cette lassitude de ce pays qui, dans le fond, était entré en guerre en 1939, qui a connu la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Indochine, et voilà que la guerre d'Algérie est arrivée. Bref. On se dit que dans un moment où les 30 glorieuses arrivent, où la société de consommation pointe son nez, etc., ce conflit apparaît comme archaïque. Il apparaît comme un conflit dépassé. Et massivement, les Français approuvent la politique algérienne du général de Gaulle pour le retour en métropole des soldats. Alors, pendant le putsch, on le voit, Michel Debray, Jacques Chaban-Delmas imaginent le pire, le coup de force qui réussit. Le général de Gaulle est un peu moqueur, il prend un peu de distance en disant c'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'il pense réellement? Est-ce qu'il s'est confié ensuite dans ses mémoires? Il y a une très grande sûreté du général de Gaulle dans ces événements. Il est très, très stable, j'allais presque dire massif, dans ses certitudes, parce que quelque part, il se sait appuyé par l'opinion publique française. On a parlé tout à l'heure de ce référendum qui est plus qu'un sondage, c'est en grandeur réelle. Il sait que la société française est derrière lui, pas les pieds noirs, bien sûr, pas les Européens d'Algérie, mais la société métropolitaine française est massivement derrière le général de Gaulle. Et il le sait. À partir de là, les chances de succès d'un coup d'État militaire sont quand même très très minces. Très très minces, parce que lorsqu'on a derrière soi l'appareil d'État en France, la police, les syndicats, les partis politiques, toutes tendances confondues, il y a une sorte d'union sacrée, d'unité nationale, comment vont faire les putschistes pour se mouvoir, pour exister, pour se déplacer à l'intérieur dans une société française qui leur est massivement hostile? De Gaulle le sait. Alors, après la fin du putsch, la télévision est de retour en Algérie, notamment les équipes de l'émission 5 colonnes à la une, et on va terminer par l'écoute de cet extrait d'un entretien pour cette émission, mené par Roger Louis, avec un médecin pied noir. Est-ce que vous avez l'impression qu'un fossé irrémédiable s'est creusé entre la métropole et vous? Quand vous pensez aux métropolitains à l'heure actuelle, quels sont vos sentiments? Oh, le sentiment de ne pas être compris. Ce que je reproche aux métropolitains, c'est de ne pas saisir que pour nous, le problème, c'est que nous vivons ici. Nous y sommes nés, c'est notre pays, nous ne voulons pas le quitter. Par exemple, vous, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez appris ces événements? Je savais que c'était. Que ça n'était pas raisonnable, que ça nous menait à une catastrophe et que les conséquences qui en découleraient seraient exactement l'inverse de ce que je recherchais, ce qui avait fomenté ce mouvement. Est-ce que ces événements, vous avez l'impression qu'ils ont cassé quelque chose? Il y a eu deux cassures. Il y a eu la cassure, je crois, je suis persuadé qu'elle existe, qu'elle s'est approfondie entre la France et nous. Et puis, alors là, il y a quelque chose qui est terrible dans ses conséquences. C'est qu'il y a une cassure entre l'armée et nous. Et je crois que alors là, c'est quelque chose de terrible. Pour nous, Algériens, être séparés de l'armée, c'est l'insécurité, c'est fini. Voilà, Benjamin Stora, c'était le dernier mot, parce qu'il nous reste 5 secondes, mais vous revenez demain, et demain on parlera des militaires, on abordera cette question du putsch de l'intérieur, si je puis dire, avec les militaires et ce qu'ils ont cru. On se demande comment ils ont pu croire que ça allait marcher, mais ainsi va l'histoire. Merci, à demain. Merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le putsch d'Alger, l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles, bien sûr, et comme d'habitude.